Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans L'Heure est Grave. Ce soir, on vous parle de Starmania, un album de 1978. Pas comme les autres. Un album pas comme les autres, en effet. Bon, fallait la faire, hein, fallait la faire. Merci. Et donc, vous avez pu le deviner, ce soir, on est encore avec la grande gagnante du concours. Bonsoir Cécile, bonsoir. Bravo Cécile. Bonsoir. C'est encore voilà. Moi. Nous sommes également avec Gaspard, mon compère de toujours. Bonsoir Gaspard. Et nous sommes avec du public. Bonsoir public. Bonsoir. Merci public. Bonsoir public. Bravo le public d'avoir gagné pas un concours et d'être quand même dans mon salon, c'est extrêmement bizarre. Starmania du coup, qui est sorti en 1978 et qui est une comédie musicale slash opéra rock français, qui est en fait... Le mot mystère, opéra rock. Opéra rock, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, en fait, je sais pas pourquoi est-ce qu'on a appelé ça un opéra rock et pas juste une comédie musicale, parce que c'est une comédie musicale. Ah ouais, non, mais tu sais, l'opéra rock, c'est vraiment l'expression des mecs qui s'assument pas comme comédie musicale, oui, oui. Qui ont envie d'être un peu bobo. Non, mais c'est pas une comédie musicale. Mais non, mais surtout le premier opéra rock au moment où c'était cool. Ouais, mais avant que Mozart arrive. De toute façon, c'est plus cool de dire opéra rock que opéra manouche ou opéra bossa nova, quoi. Opéra techno hard rock. Ça évite. 4 heures de. Acclamé par la critique, Starmania est le premier opéra techno. Donc sorti en 70. La vie d'Albert Camus en opéra techno. Controverse, la vie d'Albert Camus. Donc sorti en 78, en fait, il y a des éditions un peu chaque année ou tous les deux ans de Starmania jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un truc qui a rencontré un très très grand succès. Donc on va vous en parler un petit peu aujourd'hui, on va vous parler de cet album de 78 parce qu'il y a plusieurs versions interprétées par plusieurs personnes différentes. La version originale est créée par Michel Berger et on va retrouver des personnes, des artistes actuels pour son époque. Maintenant ils sont plus... Mais ils sont quasiment tous morts, ils en plus. Quasiment tous morts, voilà. Oui, mais attends, mais parce que c'est Michel Berger qui a composé la musique. Oui, mais c'est Luc Plamondon qui a composé. Mais lui, il n'est pas connu. C'est pas cool. Il faut qu'on fasse canadien. Du clic et du buzz. Voilà. Non, mais pour montrer l'amour, enfin l'amitié franco-canadienne. Est-ce que ça expliquerait le fait que, ça que Céline Dion a repris Ziggy? Enfin, le mot. Elle a repris. Et bien sûrement. Un garçon pas comme les autres. Parce qu'en fait, j'ai découvert qu'il y avait un album qui s'appelait Céline chante Plamondon. Voilà. Ce qui est pas mal, en fait. Une certaine vision de l'horreur, quoi. En fait, moi, je trouve ça génial. Céline. Je tiens tout de suite à placer que je suis allé voir Céline Dion en concert il y a deux ans et que c'était un des plus grands moments de ma vie. Bah, écoute, bien pour toi. Non, mais c'est vrai que grand big up à Céline qu'on a. Je t'aime, Céline. Et je pense aussi que le truc québécois, ça expliquerait un truc qu'on verra dans le blues du businessman. Je reviendrai dessus parce que moi, ça m'a fait beaucoup rire. On va vous parler de cinq chansons de Starmania. Donc, je reprends Starmania qui est créé en 79 et qui est joué pour la première fois au Palais des Congrès de Paris. L'album studio original là, de 78, donc il y a d'abord eu l'album alors que c'est un opéra rock qui allait être fait. Bon, un peu particulier. Il s'est C'était vendu une quand technique même à... marketing qui n'a pas trop marché. Ah, bon, quand même, 2,2 millions d'exemplaires en France, c'est pas mal. Hein. Avant qu'il y ait eu la première. Avant qu'il y ait eu la première. Ah, ok, ah bah si alors. Oh, quoique, non, je sais pas. L'idée originale est de Michel Berger et de Luc Plamondon. Merci Raphaël. Et alors, ça, je l'ai appris en faisant les recherches, ça m'a beaucoup fait marrer parce que j'ai écouté un truc l'autre jour sur... C'est, en fait, ça parle un petit peu de l'enlèvement de Patricia Hearst aux États-Unis. Alors qu'il était bah, c'est États-Unis, Crystal, truc, en fait. Ouais, c'est ça, qui va être un petit peu... Ce qui fait qu'on n'a pas du tout parlé de l'album de Patricia Hearst. Pas du tout. Qui avait écrit un album de folk song sur son enlèvement. Voilà, et c'est des cris, en fait. Exactement. C'est 4 heures de cris avec de la guitare folk derrière, c'est un peu particulier. Donc, bon, Patricia Hearst, pour vous replacer, c'est un truc assez connu aux États-Unis, qui, en 75, une riche héritière qui se fait enlever par des... un groupe... Des riches, quoi, kidnappeurs. Tout se passe chez les un riches. Groupuscule en fait, c'est Beverly communiste. Hills, voilà. Un groupuscule communiste. Et en fait, ce qui est un peu tenant, c'est qu'elle va subir un syndrome de Stockholm particulièrement violent, puisqu'elle va rejoindre la cause de ses ravisseurs et décider de ne pas retourner dans la vie réelle, d'attaquer des banques avec eux. Bref, un truc qui a beaucoup marqué les États-Unis. Donc c'est un peu inspiré de ça, et c'est fait par le fameux Michel Berger, et on va retrouver dedans France Gall. Alors on parle aussi de Starmania, on avait prévu Starmania avant qu'on apprenne malheureusement la triste nouvelle, mais France Gall aujourd'hui n'est plus de ce monde, donc on lui place un gros big up et des poutous. Énorme big up à toi France Gall, c'est malheureusement le hasard du calendrier et le hasard de la vie. Mais écoute, c'est un peu ça Starmania finalement. Voilà. C'est vrai. De la mort, hein, c'est le hasard de la vie, c'est plutôt ça que Starmania, c'est pas arrivé par hasard. Ça parle de quoi Starmania? Oh, c'est la mort de France Gall. C'est un peu en genre 78. De mort quand même. Tiens, toi France Gall, tu veux venir jouer dans un spectacle qui parle de ta mort? Quand on arrive en AVC. <C'est> Et du coup, créé par Michel Berger, pour revenir très rapidement, Michel Berger, né en 47, et France Gall, né également en 47, c'est plutôt pratique, ils sont nés la même année. Mais ils sont pas morts la même année, en revanche. Ils sont pas morts la même année. Michel Berger est mort en 92, France Gall est mort en 2018, il y a très peu de temps. Ce sont deux chanteurs français. Tu peux préciser comment il est mort, Michel Berger ? Mais tu peux préciser si tu veux, mais je vais peut-être parler de sa vie avant de parler de sa mort. Enfin, on peut. Enfin, mon Dieu. Ah, parce qu'on s'en bat le coup de sa vie, par contre, sa mort, elle est hyper lol. Bah, un peu. Enfin, non. Bon, aussi parle de sa mort parce que franchement. Attends, je viens d'entendre sa mort était un peu lol. Ouais, un peu lol. Si les enfants, les petits-enfants de Michel Berger nous écoutent, sachez qu'on est vraiment navrés. Voilà, c'est cadeau. Mais disons que le côté crise cardiaque n'est pas drôle. Le côté crise cardiaque n'est pas drôle, mais le fait qu'il joue au tennis à ce moment-là est un peu drôle. Est-ce qu'il a gagné? Ah, c'était le troisième set, hein, il venait de faire un lift magnifique et puis bon, il marque le point quoi. Mais je crois qu'il était un peu aveuglé en mode l'étranger justement. Ah, et que le soleil tapait. Au lieu de tuer des gens, du coup, en fait, il est mort lui-même. C'était pas plus mal qu'il meurt parce qu'avant de mourir, c'est moi un stylo, j'écrirai de bras rock et puis paf, non. Donc voilà, Michel Berger qui a une carrière assez fantastique. Ça, il a écrit pas mal de chansons, il a également chanté. Et en surtout, c'est un matériau incroyable pour des reprises de Matt Pokora et pour ça, oui, voilà, à nos. Bah oui, à nos actes manqués. Hein, bah non, c'est Goldman ça. Oui, merde, pardon. Mais il a pas fait des reprises de non, Michel Berger. Ah, il va sûrement le faire, oui. Merci ouais. Public. Merci public. Merci public. Bravo public. Donc, Michel Berger et France Gall qu'on ne présente plus. France Gall, pour moi, j'aime beaucoup parce que j'aimais beaucoup en fait Annie et ses sucettes quoi. Enfin ça m'a bah oui, beaucoup fait rire parce que ma mère... à l'époque. Non mais à l'époque, non, vrai, bah oui. Le premier souvenir de cette chanson c'est que ma mère me disait toujours tu sais que ça parle de pipe. Maman j'ai 4 ans, c'est pas une pipe. C'est vraiment le premier truc qu'elle disait. Je te écoute maman. Si tu veux je te montrerai plus tard. Non maman s'il te plaît on est à la radio. C'est marrant parce qu'avant qu'on lance cette émission Raph m'a dit je sais pas si au boulot ça passe mon émission. Et donc il vient de faire une blague sur les fellations et sa mère. Et... Bon de toute façon je m'en fous, comme c'est moi le patron de la PME, ils ont rien me demander. Je fais ce que je veux avec ma maman et je vous emmerde. Exactement, j'ai une relation très proche de ma mère, bisous maman. Donc en résumé, l'histoire de Starmania, parce qu'il y a une histoire, hein, comme dans tous les opéras rock ou comédies musicales, il y a un fil conducteur, hein, c'est pas juste des mecs qui se sont tapés des barres à chanter. Acte 2, scène 3, chanson 4. C'est dans un futur proche où, en gros, c'est un monde qui est un petit peu sous les feux. C'est un peu de la SF. Ouais, c'est un peu de la SF. C'est sous les feux du terrorisme et du totalitarisme. Naziland. Voilà, il y aura Naziland. Alors oui, alors parce que moi, j'étais pas du tout au courant de l'histoire de Starmania. Oui. Du coup, je lis. Et d'un coup, je tombe sur Naziland. J'ai vraiment bugué. C'est comme oui, Disneyland, mais avec des nazis. Mais on va pouvoir revenir. Spice Mountain. C'est ça. Spice Mountain. Tu vois. Le train de la mine. Du coup, on va pas du tout sur le train de la mine, puisqu'en fait, c'est... Le train de la mine. Oh, joli, tu l'as amélioré. C'est trois histoires d'amour qui sont vécues en parallèle entre Marie-Jeanne et Ziggy. Zéro Jean... Ouais. Qui s'appelle Marie-Jeanne et Ziggy aujourd'hui ouais, non, bon, ça, c'est... Bah, je pense c'est que les années été... 80, ils sont fous. C'était bien qu'ils le fassent dans les années 80 années 70, pour qu'on sache qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus. Non, mais surtout, c'est... Bon, on reviendra dessus après. Il y a un problème avec le nom, très clairement, parce que les autres personnages, l'autre histoire d'amour, c'est Zéro Janvier et Stella Spotlight. Alors, 2 janvier, je veux bien comme c'est nom. Pop. Bon, janvier, mais 0 janvier. Alors, 0 janvier, j'ai pas trop compris dans ces lieux, parce que les autres, Ziggy, ok, appelez David Bowie, on vous a volé un truc. Stella Spotlight, ah oh là là, c'est la Spotlight, c'est la lumière des. C'est un peu ridicule quand même. Et ensuite, la dernière me fait beaucoup rire, entre Crystal. ça, c'est un nom de pub californienne de 72 ans aujourd'hui, hein, donc c'est plus trop la même chose. T'as oublié le personnage de Hervé. Oui, Hervé manutentionnaire. Non, mais surtout, il y a un personnage qui s'appelle Johnny Roquefort. Ah, et alors, ah là, mais Johnny Roquefort est le personnage principal. Qui est le personnage principal. Et là, moi, j'ai éclaté là parce que. Soit c'est le rock, ça s'écrit, non, le comment... rock fort en qui mode... se fait fort, voilà, la musique rock fort. Alors déjà ça c'est interdit, mais t'es en France donc rock non fort. Non pas comme le fromage. C'est le fromage. Enfin concrètement quand le mec a inventé ces putains de noms, à quoi il pensait? Non mais justement il a dit qu'il y avait un peu de autodérision aussi. Ah ouais il y a la masse d'autodérision. Bah j'espère drôle. Parce que sinon. Mais c'est comme le personnage de Francine chanson de merde. Oui c'est ça. Qui a sorti un album. Oula, qui est pas nul. Oui, Johnny Roquefort, ça m'étonne pas, toutes ces chansons parlent de fondue, enfin, c'est un peu bizarre. Raph, si tu m'écoutes au montage, coupe ça. Jamais. Donc, dans ce futur proche, il y a trois histoires d'amour qui vont un peu s'entrecroiser, et c'est un petit peu antagoniste entre Johnny Roquefort, qui est un peu un bad boy, et Zéro Janvier, qui est un petit peu un businessman, et qui vont tous les deux s'affronter. Voilà, voilà. Donc, je pense que... Alors, tout d'abord, avant de parler des chansons, un petit avis très rapidement dessus. Gaspard, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Qu'est-ce que j'en ai pensé de Starmania? Surtout, il faut dire que c'est quand même des chansons qu'on écoute tous les jours sur Nostalgie. Donc, qu'on aime ou pas, ça fait partie de notre patrimoine commun. Après, je ne connaissais pas du tout l'histoire de la comédie musicale. Et crois-moi, elle est très très bien, parce qu'on va vous la raconter au fur et à mesure de ce podcast. Elle est assez gratinée et assez complexe. Ouais. J'ai pas eu la chance de voir la comédie musicale, j'ai suivi, j'ai lu, mais bref, dans l'idée, c'est que je suis pas sûr d'être un grand fan, en fait. J'adore quelques chansons, mais dans l'ensemble, je trouve ça assez... Ringard ? Ouais. Oh, putain, oui, t'as lâché le mot, merci. Ouais, c'est vraiment ringard, en fait. Franchement, c'est hyper ringard. Puis je dis ça, mais moi, je suis la pire fan, donc voilà. Oui, toi, Cécile, qu'est-ce que tu en as pensé ? Au contraire de Gaspard, j'adore Stavania, et j'adore toutes les chansons, sans exception. Sans aucune ? Non. Enfin, après, les petites intros, là, de... Est-ce que t'as déjà vu la comédie musicale ? Oui, j'ai regardé, mais en vidéo, quoi. Ah, t'étais pas... Bah, non. Et pour ma part... Poitiers 94, j'étais le quatrième rang, rangée E. C'était super. En plus, Poitiers venait de refaire le Zénith, c'est formidable ce qu'ils ont fait. C'était bien, Poitiers, à l'époque. Mais Poitiers est une véritable option, aujourd'hui, pour les gens qui travaillent à Paris, d'aller vivre à Poitiers. En plus, ils ont le 8h15 qui part de Poitiers-Centre. Cécile prend le 8h15 tous les matins. Voilà, exactement. On va faire un podcast sur Poitiers, parce que c'est une belle ville, quand même. Et puis surtout, séparément, j'aime chaque artiste. D'accord. Oui, voilà, parce que... Qui ont tous des carrières ultra... Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus... Les artistes, Johnny Roquefort est interprété par Daniel Balavoine. Le grand. Tu pourras faire un à chaque fois qu'on parle de Johnny Roquefort. Crystal interprété par France Gall et c'est tout. Après, t'as 0 janvier interprété par un mec qui s'appelle Marc Dubois. Ouais, mais c'est le Claude mec qui a fait une chanson Claude dans Dubois. Toute sa vie. Oui, c'est celle-là. Comment... Non, il a non non il a fait un truc qui est vraiment connu, qui est la chanson du businessman dans Starmania peut-être. Non, mais il a fait autre chose que j'ai oublié. Et bah c'est pas grave parce que il a mon mère. Voilà. Mais après, Fabienne Thibault aussi, ou Jane Dufresne. Voilà, mais ça, c'était des gens que je connais pas, donc je m'en fous. Bah, ils sont canadiens, c'est pour ça. C'est moi qui fais les trucs. Ok. Voilà. Oui, ils sont canadiens, c'est une collaboration franco-canadienne. Et pour ma part, bah écoute, un peu comme Gaspard, je connaissais les chansons de vue. Il y en a qui sont assez sympas. C'est pas très radiophonique. Je les croise à la boulangerie le matin. Qu'est-ce qu'il y a ça là-bas? Donc, ouais, voilà, ça m'a permis de les redécouvrir, c'était assez sympa, mais c'est hyper ringard. Voilà. Bon, c'est vrai, quand tu regardes les vidéos, c'est un peu ultra ringard parce que les paroles aussi. C'est censé être de la SF et tout, mais c'est en carton-pâte, donc c'est un peu moche. Mais putain, oui. Ça, c'est vraiment les Français et les Québécois qui font de la SF, c'était pas la bonne idée. C'était pas la bonne idée. Surtout sur scène, c'est genre. Tu vois, il y a un truc qui réussit, c'est les Français et les Américains à la Luc Besson qui te font le cinquième élément où là tu sens qu'il y a un peu de menée derrière. C'est mais quand réussi c'est pour tout le monde, je crois. Bon, on va faire de la SF avec qui on est frais. Les Québécois, ils sont hyper chauds, ils ont de la neige et tout, c'est super bien. Mais ils sont sol libres. Comment il s'appelle le mec qui adore Céline là? Le Plamondon. Le Plamondon, donc on passe tout de suite à Starmania. On attaque avec l'histoire de Starmania. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville. C'est un peu la chanson que t'écoutes quand t'arrives de Poitiers le matin. Bah oui, je pense que c'est une chanson pour les provinciaux en fait. Oui, c'est ça, c'est ce que tu viens de la faire, mais Poitiers. Exactement. Hein, c'est un peu le bordel. Ou comme il dirait de la banlieue. La banlieue dortoir. Exactement. Alors Poitiers n'est pas du tout dans la banlieue. Voilà, t'as brisé tout le mythe sur toi qui venait de Poitiers. Alors, en fait, elle vient de. Je suis tellement en fait, tu viens de Beaufort. Bon, c'est pas grave, hein. Je viens de Créteil, peut-être. Par contre, tu parles pas mal de Créteil, sinon je peux te. Oui, je sais. Donc voilà, quand on arrive en ville, un petit peu dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on apprend que Monopolis, qui est la capitale de l'Occident dans ce futur proche, parce que voilà, ils sont vraiment foulés, est terrorisé par les étoiles noires. Rappelle-moi quand est sorti le Star Wars numéro 1, déjà. Enfin, faut quand même comprendre que Starmania, c'est va être un name-dropping pour aller repêcher tous les fans de l'époque. Entre Ziggy, qui est vraiment... Personne ne s'appelle Ziggy, à part David Bowie. Exactement. Et donc, se faire genre... Moi, je pense pas. Tu penses pas? Non. Big up à tous les Ziggy qui nous écoutent. Maître Ziggy, vous êtes invité à la barre. Non, mais c'est vraiment assez ringard, moi, je trouve, d'avoir en plus appelé les gens les étoiles noires, quoi. Donc, la bande de Johnny Roquefort. Allez, Loubert. Les zonards, s'il te plaît. On dit Monopolis, mais c'est vraiment une ville qui n'existe pas, puisqu'à un moment, ils commencent à dire quand même qu'ils se baladent dans la rue tranquillement avec les lames pleines de sang et que les gens ils ont juste peur. Oui, non, juste appeler GGN. Ouais, non, mais moi je vois un mec avec une lame en sang dans la rue, je me dis pas genre ouh, j'ai juste peur. Son espérance de vie dans le Paris d'aujourd'hui, c'est 20 minutes. Hein. Donc voilà. Ils sont sous l'emprise d'une fille qui s'appelle Sadia, qui est une étudiante agitatrice et issue de la haute société. Alors là, c'est là qu'on a un clin d'œil à Patricia Hearst. Espèce de voix asexuée. Voilà. Et qui leur donne des ordres un petit peu. Et ils se rencontrent dans ce qui s'appelle l'Underground Café, sous le regard de Marie-Jeanne, qui est une serveuse automate. Voilà. Attendez, je me permets quand même de revenir dessus, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé quand même de la chanson On y vient justement, on parle de Quand on arrive en ville, et du coup, c'est cette chanson un petit peu qui introduit les Étoiles Noires et Johnny Rockford. Et quand on arrive en ville, bah pour moi, très clairement, ça parle du cirque Pendaire. Quand on arrive en ville. C'est parce que t'imagines le cirque Pendaire qui arrive en disant qui c'est qui viole les filles. C'est le tigre. C'est pas le tigre, hein, c'est... Enfin, franchement, pendant une époque, tu sais, c'était les manouches et les trucs comme ça. Et quand on arrive en ville, bah, c'était... Tu sais, ils passaient de ville en ville, donc c'était eux qui étaient accusés de toutes les saloperies. Et en plus, hein. Ils se maquillent. Donc, ouais, bah, qu'est-ce que vous avez pensé de cette chanson, Cécile? Peut-être que t'as envie de nous en dire un petit mot. Bah, moi, j'aime bien parce que ça fait... Enfin, c'est la mélodie qui fait vraiment genre... Pam, pam. Genre voilà. Genre, ouais, ça, bravo, c'est genre... efficace quand même. Oui, c'est ça, genre. J'ai jamais eu personne d'autre qui a fait pam pam depuis. Depuis Daniel Balavoine en 78. Et puis j'adore Daniel Balavoine. Donc, non, c'était un hélicoptère, pas un gun. Qui... Mais c'est moi, qui raconte ces hélicoptères. Oui, Daniel Balavoine est mort dans un accident d'hélicoptère. Désolé si on vous l'apprend aujourd'hui. Si vous nous écoutez. Vous êtes en train de rouler sur l'autoroute, ne freinez pas brusquement. Mettez-vous calmement vers la droite. Il y a quand même des petites contradictions. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Oui, est-ce qu'on peut considérer le hangar comme un domicile? Voilà. En fait, on dort juste dans un petit lot de 230 mètres carrés, mais c'est pas grand-chose. Je te propose qu'on soumette la question au service logement de la mairie de Paris. Ils vont nous donner un peu. Comme d'accord. Donc voilà, ça part un petit peu de zone. Alors, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Zonard. Les zonards. Est-ce qu'on parle des mêmes zonards qui sont un peu terroristes en mettant le feu au building, je les cite. Au building. Et surtout, qui revendiquent, mais dès la quatrième phrase, qui c'est qui viole les filles? Ouais. Qui c'est qui viole? C'est Bibi. Qui revendique ça en truc cool, genre? Ça n'existe pas. Écoutez, monsieur Balavoine. Mais t'imagines, t'arrives en soirée. Ouais, je suis un mec plutôt dark. Ouais, je viole des meufs. Ouais. Il est tellement mystérieux. Ouais, tu veux venir avec moi dans la salle de bain? Oh, tellement. Dans mon hangar. Dans mon hangar, sur domicile fixe. Voilà. Ils ont pas l'air viril, mais ils font quand même peur à voir. Pourquoi? Parce qu'ils se maquillent. Oui. C'est pour ça, un cirque Pendaire all the way. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment les clowns qui arrivent, quoi. Ils étaient super ouverts d'esprit, quoi. Tu vois. Ouais. Tu vois, déjà, des mecs qui se maquillent, ça fait déjà la limite. Ça ne choque idée, pas. Par contre, violer les meufs, ça choque pas du tout, quoi. Bah, ça, tu sais, on est dans les années 80. Hein. c'est bien ce que j'allais dire. On est bien dans les années 80. Et ce qui prouve que c'est devenu aujourd'hui hyper ringard, je trouve, c'est quand même une des dernières phrases qui dit. Quand on viendra l'an 2000, on aura 40 ans. Oui. Genre, ouais, on sera trop des vieux à l'époque. Et on va tout casser. Ouais, on va tout casser. Vous êtes tellement des vieux qu'aujourd'hui, en 2018, la moitié de la troupe est morte. Mais c'est ça. Et puis, c'est bizarre. Vous attendiez à quoi de l'an 2000? Enfin, franchement, à part les Fiat Panda et Ozone, il n'y a pas grand chose à retirer de l'an 2000. Quoi. T'imagines, ils avaient dit ça. Quand il y aura Ozone. Ça va, je vois bien. Non, mais la chanson Michel est... et Luc, vous êtes fous d'écrire ça. Non, mais on y en fait, croit. C'est un peu le truc que je reproche de manière générale à Starmania, c'est que l'écriture est quand même un peu. Enfin, je vais utiliser une expression. Là, j'ose taper un petit peu là où ça fait mal. Cucu. C'est une écriture qui est vraiment pas. Enfin, franchement, les zonards. Il y a quelque chose de naïf, mais qui est joli. Enfin, ouais, qui est... Naïf, joli, je suis pas sûr. Enfin, naïf, franchement. Oui. Mais c'est, voilà. Et après, si tu remarques, il y a toute une réflexion sur les médias, etc., qui file dans toute la Starmania. Alors, ouais, non, ça c'est intéressant. Exemple, c'est encore plus intéressant quand tu regardes ce que Balavoine avait fait avec Mitterrand. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, quand il avait interpellé Mitterrand. Et là, c'est une sacrée leçon de coup de pied au cul à un dirigeant politique. C'est vrai que tout le paragraphe où il lui dit on agit sans mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir, du moins ce que disent les journaux du soir. Quand on arrive à arriver. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez. C'est genre vraiment défoncer les portes ouvertes comme. Défoncer des portes ouvertes, mais bon, comme ça. Message. Honnêtement, c'est ce que je trouve, parce qu'après, je te rappelle quand même qu'il dit de peur qu'on égratigne vos jaguars. Attention, moi, j'avais entendu que les meufs mettent des mobiles et on égratigne les jaguars. Ouais. C'est une pichenette, genre. Ouais. Et même au Carrefour, et ben, je remets les yaourts au niveau de la viande. Et je prends le beurre, je le sors du frigo. C'est des énormes cacous, quoi. Ah, les loubards. Oh, très clairement, avec Daniel Balavoine, on y croit mainement. Mais ça n'est rien, parce qu'on va passer un petit peu dans l'histoire de Starmania. On nous a introduit à Johnny Rockford, et on a bien compris que c'était le Attends, comment je l'avais fait? Un petit truc comme ça, ouais. Johnny Rockford, qui est un peu un zonard, voilà, un zonard des années 80, donc c'est... Aujourd'hui, c'est un peu désuet. Zadiste, c'est ça. Et il est né dans la banlieue nord, si vous voulez tout savoir. Eh ben écoute, c'est très bien. Je suis curieux de savoir ce qu'est la banlieue nord pour toi qui mettais le Poitiers dans la banlieue. Ouais, c'est, ah, c'est à côté de Fauchon et Rémy-sur-Évoine. Moi, j'étais pas sur Dunkerque plutôt. Ah, c'est oui. Ça, au bout de la ligne 2. Exactement. Enfin non, sur le RER. Et donc, on nous a parlé un petit peu de Johnny Roquefort, mais on va nous parler un petit peu de son antagoniste qui s'appelle Zéro Janvier. Encore un nom extrêmement inspiré. Et qui veut se faire élire en plus. Voilà, donc lui, il est à l'inverse du café, de l'underground café où il se retrouve. Lui, il est au sommet de la Tour Dorée, 120 otages, dans lequel c'est un milliardaire qui va décider de se lancer dans la politique pour avoir la présidence de l'Occident. Est-ce que ça pourrait me reconnaître la pertinence du truc ? On est en 2018, c'est un peu Donald Trump qui se présente aux élections. Oui, totalement. Et bon, j'avoue c'est assez ringard, mais là-dessus, le mec a assez bien vu son truc. C'est certes. Mais même Donald Monopolis, enfin, on va pas en parler, mais c'est assez... Non, mais, assez... mais alors, moi, du coup, j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer Donald Trump seul, le soir, pardon, dans son appart, qui se met à chanter le blues du businessman. En français parfait, en plus. C'est ça. Oh, je sais pas ce qui m'a pris, là, ça m'a... C'est un petit blues, quoi. What the fuck was that? What the fuck? New career! China, France, way with this time, it's gonna be the best deal ever. Et donc on est introduit au sein à 0 janvier et 0 janvier, on voit qu'il a un petit peu le blues. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu être un artiste. Le businessman a le blues parce que s'il réussit dans ses affaires et dans ses amours, et ben en fait, ce qu'il aurait voulu, lui, c'est être un artiste. Ce qu'il aurait voulu, c'est être courtier en assurance. Non, mais c'est vrai que... il faut le dire tout de suite quand même que la plupart des chansons de Starmania... est un puits à jeu de mots bien nul. Ah, putain. Mais pas bien nul. Non, canadien. Mais oui, un gros big up à nos amis du Québec. Voilà, mais c'est pas la faute à Michel. Amateur de Batavia. Mais il faut quand même dire que celle-là, moi, vraiment, c'était une de celles qui m'ont fait plus marrer parce qu'elle est assez naze. Elle est vraiment naze. Enfin, c'est ringard, mais c'est pas naze. Non, c'est pas ringard. Et toi, elle te plaît ? Te plaît ? Toi, elle te plaît ? Mais vraiment, mais oui, moi, il y a des choses que je trouve belles. Voilà. Non, mais en même temps, toi à Poitiers, il y a des choses que tu trouves qui sont pas. Il y a le futuroscope chez nous. Ouais. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau. Bah, c'est joli. Est-ce que t'aimes bien Maurice sur Calvaire là ? C'est pas mal, hein. C'est vrai qu'ils ont des jolis murs. Tu m'as dit le Joe à Tom Montparnasse, c'était pas mal. Franchement, c'est joli ce qu'ils ont fait. Non, mais moi, enfin, après, il y a encore une petite contradiction entre pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire. Ah non, mais attends, tu vas très très vite. Tu vas très vite parce que justement pour moi, cette chanson. C'est une putain de chanson de mec de droite qui se prend pour un vrai babos parce que ça y est, il a acheté un truc bio, quoi. C'est la chanson du sarkozyste qui se prend pour un nanar parce que ça y est, il a voté Macron. Non, de tout interpréter à la sauce contemporaine, c'est ridicule. Gaspard. Excuse-moi, je suis en 2018, Gaspard. J'écoute une chanson, je ne peux que l'interpréter avec mon passif à Gaspard, moi. Tu veux m'épouser ? Quand tu veux. C'est vraiment. Viens, on va détester Macron une ensemble. Chanson qui m'énerve il parce peut pas que c'est vraiment. La misère dans sa tour. Non, mais c'est un truc de. Moi, maintenant que je suis dans ma tour au 100e étage, j'aurais tellement voulu être un anarchiste. Voilà. Mais quand même, avoir un certain confort de vie. J'aurais tellement voté à gauche. Mais bon, je préfère quand même garder mon loft. Mais quoi. Non, mais c'est juste que Starmania, c'est que sur des gens qui sont malheureux. Ouais, enfin bon. Oui, mais pas un mec malheureux comme ça, j'ai envie de lui caler trois baffes, quoi. C'est ça. Oui, bah, excusez-moi. Enfin, je veux dire, si son rêve, c'est con, de devenir le mec de gauche qui fout son empire à pied, si t'es milliardaire et que t'as envie de faire de la chanson, je te rappelle toutes les gruches et les connards qui nous font des CD de merde et qui sont jamais écoutés. Y a pas de souci, hein. Tu peux, donc t'as de l'argent, tu peux faire de la chanson. Attends, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment, il dit et pour pouvoir me trouver beau, et dans la chanson, ça fait et pour pouvoir me trouver beau, oh. Moi, ce que je remarque, c'est surtout son magnifique accent québécois. Parce qu'à un moment, il fait je passe ma moitié de ma vie en l'air. Et là, j'ai perdu le sens de l'amour. Enfin, franchement, c'est hyper drôle de remarquer ce petit accent québécois. Donc, bon, le blues du businessman, pour moi, ouais, c'est pas hyper bien écrit. Ce passage-là que tu nous citais, Cécile, où il dit pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire. Ouais, t'as envie de lui mettre trois baffes, quoi. Enfin, bah, tu comprends qu'il y ait ah non, genre moi, de c'est rêve. Vraiment le passage qui me révulse. Ouais, et puis c'est pas très Startup Nation. Hein. Parce que le Startup Nation, on n'est pas anarchiste. Surtout qu'il dit pas deux fois pour être anarchiste, mais en revanche, vivre comme un millionnaire, ça, il le dit au moins 3-4 fois. Eh ben écoute, Gaspard, il a envie d'être successful. Ça, il dit... En fait, il a un peu mégalo. Et tu devrais peut-être t'inspirer de lui. Hein. C'est vrai. C'est genre que je, moi je, moi je. Non, mais il dit, voilà, il commence que c'est moi, c'est pas je, mais c'est un égoïsme taré. Alors tu m'étonnes que ce soit le méchant de la comédie musicale, ça m'étonne pas trop. Donc voilà, cette chanson est... Ça se trouve, en fait, Clamondon et Michel Berger, c'est totalement conscient et ils se foutaient grave de sa gueule. Je pense. Oui. Mais en voyant la tête de Claude Dubois, moi je trouve qu'il avait l'air très sérieux. Claude Dubois, c'est l'interprète. Mais moi j'ai pas envie de foutre des claques à Michel Berger, non seulement parce que ça me mettrait beaucoup mal à l'aise de mettre des claques à un cadavre en décomposition. Non, mais en revanche, le personnage de Zéro Janvier, excuse-moi, mais il est imbérable. Mais je pense que oui, il a été fait comme ça. Alors, il a été fait pour être imbérable, mais tu vois, le côté genre, ah, c'est super triste, le mec aurait voulu être artiste. Ah, putain. Franchement, je compatis pas. Non, mais je vois tellement, tu sais, c'est les bons bourgeois qui ont traversé enfin leur arrondissement. Bourgeois. Je suis allé dans le 11e, je suis trop un mec de gauche maintenant. Ouais. J'aimerais bien me trouver beau. Comment tu dis en termes terme, du coup d'histoire, parce que Starmania avance, on nous a présenté Johnny Roquefort. Gaspard, s'il te plaît. Ah, pardon. Voilà. On nous a présenté Zéro Janvier, là. On a présenté le Trump. Est-ce qu'on nous. Voilà, donc on a les trois amours. Ils vont tomber en amour. Tous ces. C'est plusieurs histoires d'amour en parallèle. Ça, c'est ce qu'on a pu dire au début. Ouais. Donc l'amour entre Marie-Jeanne et Ziggy, l'amour entre Zéro Janvier et Stella Spotlight. Spotlight. Et l'amour entre Johnny Roquefort et Crystal. Un petit. S'il te plaît. Ah, merci. Donc en termes d'histoire, ce qui se passe, c'est que Crystal, là, qui est une présentatrice de l'émission télévisée Starmania, Wink Wink, c'est le nom de la comédie musicale, reçoit un coup de fil de Sadia. Ça me fait toujours penser à un épisode de Family Guy où il n'arrête pas de dire qu'il adore dans les films le moment où ils disent le titre du film. Ah oui, c'est toujours, toujours qu'on va l'amener parce qu'ils savent qu'ils vont. C'est vraiment, tu sais, tu vas voir la liste de Schindler et t'attends le moment où ils vont dire c'est la liste de Schindler. Et t'es yes, allez, je comprends wow, maintenant. Je sors d'ici mort, genre, yes, c'est bon. Je sais pourquoi. Merci. Et du coup, Crystal qui va recevoir un coup de fil de Sadia, qui est donc un peu l'étudiante qui dirige un peu les Étoiles Noires. Il lui propose une entrevue exclusive et clandestine avec Johnny Roquefort. Voilà, exactement. Il faut quand même préciser que Sadia, c'est plus que ça. Enfin, c'est quand même une espèce de pouvoir malveillant qui manipule, enfin, tu vois. Ouais. C'est plus qu'une étudiante. Malveillant médiatique. Et du coup, Crystal et Johnny, quand ils se voient pour cette entrevue des Étoiles Noires avec Crystal, présentatrice de Starmania, ils ont un coup de foudre et elle s'enfuit avec lui. Non, c'est pareil, tu vois, ça c'est un grand truc des comédies musicales et ce genre de conneries, c'est « Oh mon Dieu, nous venons de nous voir depuis deux minutes. » Ça c'est typiquement Patricia Hearst, du coup. Oui, aussi. C'est Patricia Hearst. C'est vrai que non, c'est parce que le syndrome de Stockholm, c'est pas un coup de foudre. C'est pas en mode genre « Le mec qui vient de m'enlever dans la camionnette, il est trop beau, tu vois. » C'est vraiment après six mois au fond de sa cave, je commence à avoir un attachement pour lui. Ta gueule, grognasse. Oh, t'es tellement beau comme tu me traites de grognasse. Non, mais là, tu rentres dans la camionnette, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je rentre dans ce que tu veux. Du coup, Sadia va un petit peu perdre son emprise sur Johnny. J'ai une blague, tu la couperas, mais d'un coup, j'imagine tellement Estelle Mouzin, tu sais, ça fait 17 ans qu'elle a disparu, qu'elle est au fond de la cave entre. Ah, merde. Oh, on la coupe pas, c'est d'ailleurs. C'est comme Natacha Campouche. Natacha Campouche, est-ce qu'elle était si malheureuse? Natacha Campouche, dans sa cave. Gaspard nous fait des gestes. Non, mais ça, c'est coupé, c'est coupé. Pas très radiophonique. Ça n'est pas coupé. Du coup, Sadia perd un peu son emprise sur Johnny, elle a le seum, et Crystal, en plus de piquer Johnny Roquefort, elle va devenir un petit peu le porte-étendard des Étoiles Noires. Pierre Camembert, on n'en parle pas du tout ou pas? Camembert qui est c'est une autre comédie musicale qui est Pierre Camembert, qui est le demi-frère écrasé toute sa vie par Johnny Roquefort. Le demi-frère autiste. Il doit s'en occuper. Quand on arrive à ville, il s'est rigolé. Quand on arrive en ville avec le déambulateur. Ah, c'est un enfer. Mais donc, c'est lié à l'histoire d'amour entre Crystal, Johnny Roquefort, Zéro Janvier, Stella, tous ces dons de merde. Il y a également l'histoire d'amour entre Marie-Jeanne et Ziggy. Et on va apprendre que Ziggy, c'est un garçon, pas comme les autres. Hein. Ah non. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui. garçon pas comme les autres, puisque c'est un voleur de nom. Il faut appeler David Bowie, hein, parce que Ziggy, clairement... On va pas appeler David Bowie, David Bowie aussi est mort. Ah bah, dans la chanson que Ziggy chante lui-même... Tu veux dire que, pardon, je sais pas, Gaspard, le lien entre tout ça, c'est que les gens sont morts, c'est ça ? Tout le monde est mort. Voilà, merci Gaspard. Dans la chanson que Ziggy chante lui-même, il dit « Oui, j'étais trop fan de David Bowie, d'où le fait qu'il soit pas comme les autres aussi. » Et il a dit « Du coup, j'ai pris son nom, mais il explique tout. Hein. Du coup, j'ai pris son nom et j'ai décidé que j'allais m'appeler comme ça. Au j'ai départ, il s'appelle Jean-Jacques. J'ai pris son numéro de sécurité sociale. J'ai pris sa polo. 2004, elle est vachement bien. Et du coup, je sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié, au départ. Quoi, Ziggy? Mais bah, il s'appelle Ziggy. Jean Hervé, je crois. Oui, c'est ça. Euclidien. Non, mais il faut expliquer du coup que quand même. Du coup, la serveuse... Certes, Ziggy n'est pas un garçon pas comme les autres. Pourquoi c'est pas un garçon comme pas comme les Parce autres? Parce qu'il est gay. Non, mais non, on est friendly. On est friendly. On est friendly. Donc. Il est friendly. Il est comme les autres au final. Ouais. C'est elle qui est pas comme les autres de considérer Exactement. Qu'il est pas comme les autres. Putain, mais elle, en attendant, ça. Elle est en méga friendzone. Quoi. Mais alors, voilà, que... alors, qu'est-ce qui se passe, Mike, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aimerais quand même tout de suite faire un point. Il faut expliquer. On explique quand même que Ziggy n'est pas un garçon comme... Pas comme... Ah, que Ziggy n'est pas un garçon comme les autres. Merci, public, de rigoler. En revanche, on n'explique quand même pas que Marie-Jeanne n'est pas une fille comme les autres, puisque Marie-Jeanne est un automate. Et une serveuse. Oui, donc... une serveuse. T'as beau être en robot, mais ça va, ça me dérange pas. Mais putain, ouais. Tu bosses dans un café, t'es une serveuse. Et les postiers, t'en penses quoi, Cécile? Tu vas nous en dire un truc ou... De la part d'une meuf qui est un robot, je veux dire, c'est... Qui... Comment elle peut se permettre de balancer un tel C'est déjà les intelligences artificielles. Check your privilege, ouais, Marie-Jeanne. Okay. Privilège, vraiment. Excuse-moi, le mec il est gay, d'accord, on s'en fout. Toi, en fait, t'es un robot. Est-ce qu'on peut déjà un petit peu parler de comment est-ce qu'ils se rencontrent? Parce que là, c'est un petit peu chelou. C'est-à-dire qu'elle bon, c'est alerte gros psychopathe, Gaspard. Tu... Bah, putain, mais là, c'est un psychopathe. On est en 2018, avec tous les mouvements MeToo, balance ton bord, on parle d'une... Je cite, hein. Allez, on va mettre les sexes de côté. Si. La première fois que je t'ai vu, je me suis jeté sur toi dans la rue. Je t'ai seulement dit que j'avais envie de toi. Excuse-moi, mais il était 4h du matin. Non. Qui peut chanter ça aujourd'hui avec dignité? C'est pas ça les pronoms. Ça se trouve, ils vous voient. Hein. Ils non, disent, mais les pronoms, j'en ai rien à foutre. Tu je me suis jeté sur lui. Oui, mais même, on en a rien à foutre des pronoms. Tu te jettes pas sur quelqu'un. Est-ce que t'es en train de dire que c'est moins grave parce que c'est un garçon qui se fait agresser? Mais pas du tout. Je te prierai de sortir, s'il te plaît. Tiens, je me sens totalement oppressé. Exactement. En attendant, il m'a dit, je vais prendre un café. C'est pas non plus... Il l'a pas saoulé, voilà. Quoi. Et puis, elle lui dit quand même, c'est mon seul ami, Ziggy. Enfin bon, la meuf est absolument tarée. T'imagines, c'est trop chelou. À 4h du mat', tu rencontres un mec, on va prendre un café. Bah non, on va boire des coups. Ouais. J'ai besoin de débourrer, là. On va prendre un café, mon gars. T'invites tes potes à prendre l'apéro, ils arrivent. J'ai pris des cafés, des thés pour tout le monde. J'espère que vous êtes contents. Donc, parce qu'après, on a des petits euphémismes, du coup. Oui, vas-y. Du coup, il l'amène danser dans un endroit très très gay. Ah, ah, c'est écrit comment gay? Où il a des tas d'amis. Non, mais comment c'est écrit gay? Avec un i. Mais après, la vieille grite. Non, c'est un grec, mais c'est gay. Et après, elle nous dit clairement qu'il est gay. En revanche, le dit. Ziggy, ça s'écrit avec un y. Ah. Est-ce que Zizi. Zigay. Il s'appelle Zizi. Il allait Zizi. Zizi gay. Pardon. Donc voilà, c'est un amour un petit peu impossible. Hein. Ah oui, c'est vrai, on a parlé du zgeg. Et c'est un petit peu. Il y a un truc quand même là. Non mais là c'est pas possible. Là, non mais attends. Un anagramme. Moi Gaspard, j'avais dit ok pour que tu m'aies. Mais c'est moi là, je suis plus d'accord. Tu bouges, ça n'est plus possible. Tu bouges une lettre, ça fait zgigi. Non, bon, je suis désolé. C'est Zgeg. Non, je suis désolé. Z-G-A-Y. Mais on a bien compris que tu dis des saloperies. Après, elle dit qu'elle est folle. Elle est folle de lui. Elle est pas folle de Ziggy. On est personne, un podcast de culture sérieuse. Alors, s'il te plaît, on fera le plaisir d'arrêter ce genre de dégueulasserie. On revient un petit peu à l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis jeté sur lui dans la rue. J'ai seulement dit que j'avais envie de lui. Par contre, pour le café, j'explique pas trop. Tu m'as dit, on va prendre un café. Un café. On se demande des petits problèmes de couleur, là. Et surtout, j'imagine le mec qui est attaché au zgeg. Ça vous dérange pas que je sois là, tranquille? Parce que moi, un café, j'en ai pas envie. Hein. Attends, parce que moi, j'ai la transition sur mon truc. Mais quelle transition? Alors, avant qu'elle dise Ziggy, s'appelle Ziggy, elle dit, moi, je suis pas faite comme ça, mais je connais un garçon qui n'a qu'une ambition, c'est de passer dans cette émission. Oh. Voilà. Joli, comme on peut observer une première transition de Starmania. On est donc en termes d'histoire au moment où voilà, il y a ces petits problèmes. Hein, on se rend compte que Ziggy, bah, il aime les zgegs. Et Sadia, qui était donc la chef des Étoiles Noires, un petit peu maintenant supplantée par Crystal, et a hyper le seum et elle va débaucher Ziggy, qui était DJ, qui bossait dans une qui bossait dans un truc de disquaire et qui va devenir DJ pour Naziland. Voilà, parce qu'il y a Naziland dans cette histoire. Point Godwin, quoi. Voilà, énorme point Godwin depuis le début. Je ne sais pas comment tu peux chanter avec sérieux Naziland. Une discothèque qui surplombe Monopolis dans la Tour Dorée, donc ça, c'est où habite Donald Trump. Je suis très curieux de voir à quoi ressemble Naziland en termes de boîte de nuit. Je sais pas, c'est avec Mickey qui a une moustache, c'est hyper bizarre. Comment on danse? Moi, j'ai trop envie de savoir à quoi ça ressemble sur scène, surtout. Comment ils ont retrouvé ça. Ouais, non, mais ça doit être assez sympa. Rien que la Tour Dorée, tu vois, genre un gros carton qu'ils ont pas en jaune. Voilà. Du coup, ça continue, ça part un petit peu en couille. Hein. Sadia décide, parce qu'elle a le seum, de dénoncer Johnny et Crystal à 0 janvier. Le soir où celui-ci va célébrer ses fiançailles avec Stella Spotlight. Hein. Bon, très clairement, là, on est sur des histoires qui se croisent et dont on n'a pas envie de parler parce qu'on en a rien à secouer. Alors, et à savoir. On n'a rien compris, il faut le dire. Célèbre, ouais, personne ne comprend de toute façon. Il célèbre ses fiançailles à Naziland. Alors, ça, c'est aussi un autre level de trucs bizarres. T'imagines le carton d'invitation. Allez, rejoignez-nous à Naziland. Hey! Because shit happens. Hey. Les étoiles noires vont donc choisir cette soirée de fiançailles pour faire exploser une bombe dans la Tour Dorée. Les étoiles noires, donc on revient à ça, puisqu'en fait on avait un petit peu parlé en termes d'histoire avant, mais on va y revenir en termes de chansons. Dans les étoiles noires, il y avait donc Johnny Roquefort et maintenant Crystal qui se sont enfuis. Exactement. Et ils se sont enfuis puisqu'ils n'avaient plus rien à perdre. Et c'est d'ailleurs le titre de la chanson dont on va parler maintenant. On nous prend pour des fous, pour des petits sapajous. Quand on a plein rien à faire, je ne coupe pas. Tu reprends. Non, je ne reprends pas. Tu reprends. Non, je ne reprends pas. C'est ça ce qui est beau dans ce podcast, c'est qu'on est spontané. Donc, quand on n'a plus rien à perdre, bon, ça, c'est Crystal et Johnny Roquefort qui parlent ensemble. Ils sont très, très amoureux. Ils s'enfuient tous les deux. Et ce qu'il y a de bien dans cette chanson, c'est que j'ai absolument rien pigé à ce qui se passe. Mais je crois que Cécile, t'as peut-être un peu plus à nous dire dessus. J'ai juste relevé, excuse-moi, pour moi, ce qui est un lien avec la première chanson. Je croyais que t'avais pas compris. Ah bah une seconde, hein. Non, tu vas bien te calmer. On peut peut-être la laisser parler, non? Bon, on va peut-être la laisser parler, mais on va se calmer, sinon on te renvoie à Poitiers. Et il dit, on s'en fout d'être malheureux, on s'aime encore mieux quand on n'a plus rien à perdre. Bah alors t'as compris? Oui, bah c'est un petit peu un lien avec quand on arrive en ville, où il disait, on est malheureux, on s'en bat les couilles. En fait, Cécile, elle a compris que les titres de chansons. Non mais perdre, ça veut dire l'absence de gain, enfin tu comprends. Non mais c'est une chanson sur quand on n'a plus rien à faire. Oui mais ça merci, j'avais compris. Bah voilà. C'est quand même la deuxième chanson qui commence par quand. Oui mais c'est, voilà, c'est quand même... Quand on n'a plus d'idées pour écrire des chansons, hein, Michel Berger, on met un quand. Voilà. C'est pas Michel Berger, c'est Luc Plamondon. Oh, j'en ai rien à foutre il de ton Luc Plamondon. Non, Luc Plamondon a fait la mélodie. C'est... Non, il a écrit. Ah, c'est Berger. C'est Berger ah, qui a fait la mélodie. Bah, pardon, bref. Putain, Luc Plamondon. Ils se font pas chier dans notre Québec parce qu'en fait, il suffit de donner le titre au moment de l'histoire, c'est-à-dire quand on arrive vers la fin. Quand c'est la fin. Non, mais c'est quand vraiment, tout ça, le monde quand on a un peu quand la... c'est l'entracte. Voilà. Vous quand... allez où, Toinette? Quand c'est le plot twist. Ouais, fais gaffe à la chanson, je sens que là il y a un truc. Je sens qu'il va se passer quelque bon, chose. Je peux parler explication. Oui, bah explique-nous donc cette chanson, hein, Cécile, vas-y. Du coup, si tu pars avec moi, les gens te montreront du doigt. Mm-hmm. En gros, il va se faire boycott. Par les caïds des étoiles noires, s'il parle avec Crystal, mais en même temps ils sont trop love. Ils sont trop dans le love. Ah, et ça je fais une petite référence et du coup ils sont trop enchaînés. Ça me fait un petit peu penser à 7 jours pour une éternité, hein, où très clairement deux personnes qui ne se connaissent pas depuis 5 minutes décident qu'ils sont amoureux. Ça c'est, tu veux dire qu'il serait un peu le Lucas et elle serait juste... j'ai oublié son nom. Sophia. Oh, merci, heureusement que tu as assidu. Ils veulent juste être libres et pouvoir vivre leur rêve. Tout. Et c'est quoi leur rêve? C'est ce que disent toutes les chansons de Starmania. C'est quoi leur rêve? Pouvoir vivre au-delà de 2018. Ouais. Oh, sorry. J'aimerais tellement voir 2019. C'est raté. Hein. Mais c'est surtout la mélodie qui est super entraînante et qui groove. Ouais. C'est celle qui est, cool. Qui est vraiment la plus punchy, on va est-ce dire. Qu'on doit la mélodie, on la doit à Berger. Et puis Balavoine est magnifique. Non, du coup, on la doit à Berger, c'est ça. Berger, oui. Mais alors, je suis d'accord avec toi, elle est super entraînante. Ouais. Et la preuve est qu'on t'a quand même connue en soirée lorsque tu passais pour la 8e fois cette chanson. J'avoue que c'est ma chanson préférée. En attendant, je connais pas beaucoup des chansons qui te disent « Venez avec nous, risquez vos vies sur les autoroutes de la folie ». Moi, c'est un... non, merci. C'est la pire invitation que je connaisse. Quoi. J'avoue que les autoroutes, c'est pas cool. Mais de la folie, avec nous. Ça va. Franchement, ça fait plaisir, mais non. Attends, mais... Moi, c'était l'autre jour, j'étais à la caisse de mon Carrefour. Elle m'a fait bien des points sur les autoroutes de la folie. Mais moi, je trouve qu'il y a, y a une phrase... Écoute, Mais c'est gentil, bonne soirée à vous. Au revoir. Je ferai paiement sans contact, s'il vous plaît. Non, mais surtout qu'il y a des phrases... Par contre, faut que j'ajoute un sac, s'il vous plaît. Surtout qu'il y a des phrases un peu con, genre quand on choisit sa vie, il faut la vivre jusqu'au bout. Non, mais est-ce qu'on serait, on serait pas quand même, on serait pas sur le 7, tu as raison, on fait un nouveau des ponts, on serait pas sur le 7 jours pour une éternité de la comédie musicale. Moi, je veux pas comparer Starmania à Marc Lévy. Clairement, le truc, c'est que on peut parler de fond et de forme. Starmania, c'est que c'est super visionnaire, vous vous rendez pas compte, quoi. Non, mais peut-être, mais je suis d'accord avec toi. En termes de fond et de forme, le problème qu'il y avait avec Marc Lévy, c'était sur le fond comme sur la forme, c'était une bouse incommensurable. Là, les chansons sont assez entraînantes et t'as quelques chansons qui sont hyper cool. Donc bon, il y a des chansons magnifiques les uns contre les autres. C'est ça. Même si c'est un peu ringard, ça, c'est quand même encore assez beau. Mais alors, en termes d'histoire, on avance encore un peu. Pour vous dire très honnêtement, on ne sait plus du tout où on en est. On comprend plus rien à partir de là. Parce que là, il y a des hommes qui de 0 janvier qui poursuivent les étoiles noires après cette tentative de faire péter les trucs. Il faut tirer dans un trou pour faire péter tout. Enfin bref. Oh, c'est un peu n'importe. Ouais, un certain Luc le prend. J'ai rien compris. il doit utiliser la force, non? Luc Plamondon, Luc Plamondon. Ouais, Luc Plamondon, mais je comprends pas, il a pas ses petits bras. Enfin bon, c'est non, très bizarre. Et au cours de cette intervention par les forces de l'ordre, 15 forces de l'ordre selon la police, il y en avait 15 000 selon la CGT. Ça se passait porte de la chapelle, évidemment, c'était des gens qui avaient rien à voir. Et bah, c'est triste parce que Crystal, elle y perd sa vie. Et oh là là. Et 0 janvier, lui est élu président de l'Occident, mais Johnny Rockefeller le hantera pour toujours. Il se lance donc dans des méditations et interrogations philosophiques sur le sens et la raison de la vie après avoir été arrêté. Il est donc en prison. C'est pas la pire phrase de connard, il se lancera sur des philosophies sur la vie. Voilà, je te remercie parce que c'est moi qui l'ai écrit. Non, c'est pas toi qui l'as écrit parce que je l'ai trouvé sur la même source que toi. Voilà. Il s'appelle comprenezstarmania.com. Exactement. Hein, et ce qui se passe, c'est que du coup, bah, tous les personnages ont un petit peu trouvé une fin, soit tragique, soit ont accompli leur but. 0 janvier, enfin, il a accompli le but d'être président, mais pas de devenir artiste, c'est très triste. Et on en arrive donc à la fin de Starmania, et à la dernière chanson, c'est Marie-Jeanne qui va rendre visite à Johnny en prison. Je pense qu'on peut dire qu'il y a peut-être un rapport entre le titre de la chanson et le fait qu'elle s'appelle Marie-Jeanne. Qu'on a un sous-texte. Et pourquoi, Cécile? Parce que cette chanson s'appelle... Le monde est stone. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Passe le ouin, Cécile, il y a du monde sur la corde à linge. Et du coup, tu nous parles un peu du monde stone. Qu'est-ce que t'en as pensé? À mon avis, Marie-Jeanne est grave foncée. Ah bah putain, ouais. Elle est stone. Elle le dit quand même. Hein. J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Pas la fat. Donc, non, surtout qu'elle cherche le soleil au beau milieu de la nuit. Oui, déjà, il y a un petit souci. Encore une fois, une contradiction. Oui. Qui montre que oui, il y a des problèmes de cohérence. Oui, il y a des problèmes d'intellect. Hein. C'est très clairement. C'est elle a trop fumé, justement, la Marie-Jeanne. Luc a écrit ça lorsqu'il était aux toilettes. Comment ça? C'est une succession d'incohérences depuis tout à l'heure qui est quand même... Passe-moi le soleil, je suis au milieu de la nuit là. Tu peux aller acheter du soleil en bas. S'il te plaît. Savoir qu'au Québec, soleil est une marque de papier chiotte. Non mais, ce qui est intéressant, c'est que dans un documentaire que j'ai vu... Attends, donc tu regardes des documentaires sur le papier chiotte, c'est et ça? Et bien, figurez-vous qu'il y a quelques semaines, oui, il y a eu un documentaire sur Starmania à la télé, et que oui, j'ai regardé, en vue de cette émission. Et que du coup, genre, le monde est stone, c'est-à-dire l'anglicisme stone, c'était un peu la première fois qu'il était vraiment utilisé, et ce qui était un peu fou, c'était que du coup, il était autant compris des Français que des Canadiens, et que du coup, la phrase était, disons, à l'image de l'amitié franco-canadienne. Soit belle, non, qu'est-ce qu'elle a dit par le monde stone là? C'est-à-dire que c'est la dernière chanson, la comédie musicale, là. L'ai pas compris. Chez l'envers, on fait tout à l'envers. À l'envers. L'ai pas compris qu'est-ce que l'on dit, là. Non. La Mazestan cherche le soleil, la mode de la nuit, là. Non, toi, c'est calice. Tu es là, mon calice, là? C'est une fif, toi? Merci de nous avoir écoutés. Donc voilà, ça c'est un big up à nos amis. Il faut savoir aussi, pour une petite anecdote, que c'était la chanson préférée de Coluche dans Starmania. C'est vrai ? Voilà. Bah, putain. Eh ben, écoutez, moi je pense que Coluche a beaucoup de goût. Parce que... Mais pas là. Non, mais, non, mais bah, si. Bah, moi je trouve que c'est peut-être la chanson que je préfère en fait dans Starmania. C'est vrai ? Le Monde des Stones, c'est peut-être la seule que je peux chanter vraiment en hurlant chez moi. Bah, franchement, Mais vraiment, je hurle. Hein. Je chante pas, je hurle. Avis aux voisins. Si mes voisins écoutent mon podcast, ils comprennent enfin pourquoi. Non, putain, mais il a fermé sa gueule, le drogué du bar. Là. Non, mais je sais pas. Si, en même temps, après un summum de niaiserie, en tout cas de ringardise, que peut être cette comédie musicale où il y a beaucoup de phrases qui sont quand même assez alambiquées. Je tiens à dire qu'on n'a pas pu travailler sur une chanson, mais je suis très déçue. Les uns contre les autres. Non. Complainte de la serveuse automate, donc de Marie-Jeanne, qui fait rimer donc automate avec tomate. Oui, voilà. Oui. Alors ça, c'est un crime contre l'humanité aujourd'hui. Hein, on dirait la fouine qui faisait rimer champagne avec champagne. Non, franchement, j'aime beaucoup cette chanson-là. Peut-être aussi parce que j'aime beaucoup Céline Dion et que Céline Dion a repris cette chanson. Je pense que t'es un peu dépressif au fond. Non, mais je trouve qu'elle touche à un truc auquel on peut tous se retrouver. Toutes les chansons de Starmania sont assez universelles. Je suis pas d'accord, en tout cas, celle-là. Monopoly, par exemple. Je te laisse parler. C'était donc la dernière de Starmania. Je sens que ça a plu et déplu à certains aspects. Gaspard, Cécile, si vous avez un petit mot à dire encore un petit peu sur Starmania, parce que j'ai l'impression, Cécile, ce que tu nous disais. C'est que quand même il y a une chanson pour chaque situation de la vie, état d'esprit, et c'est pas faux, c'est pas faux. Non, en fait ça dépeint, on va dire, une sorte de paysage mélancolique où tous les gens en fait sont à côté de leurs rêves et ils sont pas du tout à la place à laquelle ils voudraient être. Et ce qu'on voit dans Monopoly, ce qui est un peu le truc qui décrit en fait la société de Nazilène et tout, c'est que on est dans un monde qui est uniformisé, enfin histoire du totalitarisme, etc., mais qui est assez assez visionnaire, parce que c'est assez vrai maintenant ce que ça dit. Quoi. Surtout avec Donald Trump. Surtout avec Donald Trump. Ouais. Du coup, c'est quand même pas mal. Malgré quelques paroles un peu niaises de Luc Plamondon. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Mais heureusement qu'il y a des super mélodies quand même. Ouais, merci en fait, Michel. C'est, quoi. C'est que les chansons sont... Il y en a qui sont assez cool, mais en fait, tu sens bien que ça a été écrit dans les années 80. Et oui, mais déjà, il y a des mots qui sont hyper vétustes. Moi, je trouve qu'il y a un truc, au contraire, quoi. Même si c'est ringard, ça apporte une sorte de nostalgie un peu cool des années 80, tu vois. Ouais. C'est pas le côté nul des années 80, je sais pas. Bah, c'est de la variété française comme il se faisait à l'époque et ça marche moins bien aujourd'hui. Mais après, surtout que chaque... Mais les mélodies marchent. Non, mais surtout chaque chanteur a une voix pas possible, quoi. Ouais. Oui. Fabien Thibault est magnifique, Daniel Balavoine est magnifique, mon France Gall, faut aimer. Bah, France Gall, moi, j'aime bien. Après, tu vois, pour le coup, j'ai écouté et j'ai regardé Daniel Balavoine chanter pour ça. Il est ridicule physiquement. Ah oui, il a un peu une tête de patate. Il a un peu une tête... Non, mais je veux dire, même sa manière de long. Se tenir, mais non, il chante parle tellement bien. Avant l'accident. Après, il a essayé de le mettre sur un stick. Bon, c'était très gênant. Allez, chante. D'ailleurs, il a fait une chanson. Je vais être un oiseau. Maintenant, je vais être un oiseau. Mais oui, c'est un peu ironique. Dans un accident d'hélicoptère. C'est un peu ironique. Un peu ironique qui va là-dessus. Gaspard, peut-être un dernier avis là-dessus. Non, bah, pareil, je suis pas un grand fan de la comédie musicale. Après, certaines chansons sont assez entraînantes lorsqu'on les écoute en voiture sur Nostalgie. Si j'ai juste un conseil, c'est non seulement d'écouter Céline Dion. Et surtout, je suis un grand fan de Michel Berger, surtout d'une chanson de Michel Berger que je passe, petit big up à tous les gens à qui je passe des soirées le samedi soir et qui me virent ensuite, Les Princes des Villes, qui est peut-être la plus grande chanson pour mettre l'ambiance à 2h du matin. Aussi, j'ai des recommandations du coup. Je vous recommanderais du coup de ne pas faire de tennis et de ne pas prendre l'hélicoptère et surtout de ne pas faire les deux en même temps et de ne pas avoir Est-ce que pour toi, c'est faire du tennis avec un hélicoptère au bout de la raquette ou de faire un non, tennis quand t'es dans tennis un hélico ? Ou alors se jeter un hélicoptère. Un hélicoptère. Attention, je serre. Là. Et de jouer contre l'hélice. Son et lumière par Gaspard Klein. Okay, et toi, Raphaël ? Alors moi, bah merci de me demander, parce que moi, j'ai plusieurs recommandations. Et en fait, je vais vous recommander... En fait, simplement, moi, j'aime pas les de comédies. De ne pas mourir. Voilà, de ne pas mourir de manière générale. Tout simplement. Ça vous arrivera un jour ou l'autre, mais essayez d'éviter d'ici. Non ! Pas moi. C'est ma maman qui l'a dit. Moi, je vous recommande des comédies musicales. En fait, les rares comédies musicales que j'ai bien aimées, c'est Rocky Horror Picture Show, qui est génial. Shock Treatment, qui est la suite. Là, on part en cinéma, là ? Bah, non, mais attends. Voilà, c'est mes recommandations. Et la dernière, c'est Phantom of the Paradise, qui est hyper cool. Voilà. Alors dans ce cas, si on part en comédie musicale cinéma, dans ce cas-là, maté quand même la plus grande comédie musicale de tous les temps, qui est West Side Story. Et maté parce que merde, c'était pas dingue, mais c'était quand même hyper sympa, La La Land l'année dernière. Et aussi tous les Michel Legrand. West Side Story, la plus grande comédie musicale de tous les temps. Le public nous a soufflé les Demoiselles de Rochefort, donc big up au public. Et puis surtout, tous les CD de Daniel Balavoine, tout Michel Berger, tout France Gall, tout ça. C'était notre avis sur Starmania version 78, donc avec Daniel Balavoine, France Gall, Michel Berger et nos amis d'Outre-Québec. Tous vos papis qu'on vous a dit qu'ils étaient partis en vacances. Voilà. merci beaucoup Cécile, merci beaucoup Gaspard, et merci beaucoup au public d'avoir été là. Merci public. Bravo public. Tu peux t'applaudir public. Bravo, on applaudit public. Merci public. Voilà. La semaine prochaine, on vous retrouve pour Le Temps des Gitans. Très grand film, ça va être extrêmement agréable. Avec un invité donc qui est handicapé. Oui, exactement. Pour nos quotas. Handicapable. Moi je dis plutôt. Plus capable que beaucoup de gens. Plus handi. Exactement. Et donc on installera nos plus belles rampes pour le faire monter dans ton appartement au 8e étage sans ascenseur. Merci Gaspard. Franchement, c'est pas très cool pour lui. Il est hyper lourd en plus. Surtout que chaque semaine je déménage pour monter un étage plus haut. Donc c'est pas très cool pour toi. Oui, mais c'était la seule manière de pas le faire revenir et pourtant il revient quand même. Donc voilà, la semaine prochaine pour Le Temps des Gitans, et le prochain album ce sera un album mystère. Est-ce qu'on peut dire que c'est tout de suite quand même le plus grand album qu'on ait fait dans l'heure et grave? Voilà, à côté Starmania, c'est du Pipicha et Jean Ferrat aussi, et même Météora que j'aime même plus que de raison. Voilà, on aura le meilleur album sûrement de tous les temps la fois prochaine. D'ici là, continuez à écouter L'Heure est Grave. Merci de partager sur les réseaux et de nous avoir rejoints. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Gaspard, merci à Cécile et merci au public. À toi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Ciao. Bonne soirée. Seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Storm, le monde est storm, me cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fais mon cinéma. Au milieu de ma nuit, battre, j'ai plus envie de courir. Comme tous ces automates qui bâtissent des empires que le vent peut détruire, comme des châteaux de cartes. Pour m'empêcher de souffrir, mais la tête qui éclate pourrait seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Laissez-moi me débattre. Pour m'empêcher de souffrir, j'ai la tête qui éclate. Je pourrais seulement dormir, m'étendre sur la table et me laisser mourir. Et me laisser mourir.